gay. 인맥반응하는 my girl. On dit tu es beau. On dit que je suis laid. On dit que tu es hétéro. On dit aussi que je suis gay. Serais-je une honte pour la France si je m'appelais Absat aussi? Allez, abscès aussi. Fais comme moi, laisse-les parler. Pas besoin de leur plaire. Laisse-les parler. Ce ne sont pas leurs affaires. Laisse-les parler. Désormais tout est clair. Laisse-les parler. On n'en a rien à faire. On dit de toi que t'es infidèle. Allez, blablaté. Que tu la quitteras pour plus jeune. On te dit que t'es superficiel. Allez, blablaté. Et quand tu te maquilles, t'en mets des tonnes. Et est-ce que je les écoute? Non. Qu'ils passent leur vie à critiquer, est-ce que je les écoute? Non. Dans leur avis m'importe peu, est-ce que je les écoute? Non. Qu'ils passent leur vie à critiquer, est-ce que je les écoute? Non. Alors fais comme moi, laisse-les pas. Je veux pas partir au clash, je me fous de ce que tu racontes. Oh, il faut que tu saches que je m'assumerai sans honte. Ça ne fait pas de moi un lâche, c'est juste que ton avis ne compte pas. Car au fond, je n'attache aucune importance aux gens comme toi. Je ne veux pas épouser tes critiques au couteau. Je ne veux pas relever les ondes et les radeaux. Laisse-les parler.